Chez Dolbo Auto, pendant le Festival du Bleuet, on vous offre le Silverado 1500, cabine multiple, 0% de financement pendant 72 mois, plus 5 000 $ de crédit, incluant 1 500 $ pour le propriétaire actuel du camion, ou le Colorado, 1,99% financement à l'achat pendant 60 mois, plus 1 250 $ de crédit et un spécial s'ajoute pour tous les membres Costco. Le propriétaire Stéphane Fortin désire souhaiter un bon Festival du Bleuet et invite toute la population à participer aux différentes activités. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 276-05-80. Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbo-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant d'une bonne nouvelle pour un Dolmissois, Jean-François Lavoie, qui a remporté le triathlon à Charlevoix. Ça s'est déroulé en fin de semaine. Le Dolmissois qui était en troisième place à la sortie de l'eau à la fin de la compétition de la natation. Et par la suite, ben, aux 20 km à vélo, il a bien fait lors de cette compétition. Et pendant la course à pied, ben, il a terminé au premier rang et il n'a plus jamais regardé par derrière. Donc, une belle victoire pour Jean-François Lavoie qu'on va tenter de rejoindre au cours des prochaines heures pour avoir ses commentaires là-dessus. Il y avait la conjointe de Jean-François Lavoie, Daisy Dumais, qui a participé également à l'épreuve. Daisy Dumais qui a terminé au 73e rang. Mais au quatrième rang dans sa catégorie. Bonne nouvelle pour les Marquis de Jonquière. Mathieu Brodeur, qui est un défenseur, a décidé de joindre les rangs des Marquis pour la prochaine saison. Brodeur, qui est un défenseur de format géant de 6 pieds 5 pouces, pèse 215 livres, a joué un peu partout, soit dans la East Coast également, dans la Ligue américaine de hockey, et a joué un peu plus de 300 matchs dans la Ligue américaine de hockey. On a également annoncé le retour de Mathieu Brisebois, également pour la prochaine saison. Mathieu Brisebois, qui l'an passé a brillé, il a obtenu le trophée du meilleur défenseur de la Ligue nord-américaine et une place sur l'équipe d'étoiles. Maintenant, les voyageurs de Jonquière en ont mangé toute une hier. Ça va pas bien pour les voyageurs. Ils ont perdu 20-2 contre les Alouettes de Charlebourg. Et maintenant, hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Samuel Matt. Samuel Matt qui a terminé au 8e rang lors de la compétition de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Et Samuel Matt mentionne qu'il a adoré son expérience. On va l'écouter là-dessus. C'est extraordinaire. Je l'avais vécu de l'extérieur parce que j'ai vu plusieurs coéquipiers, j'ai assisté à plusieurs traversées. Mais d'être dans l'eau, d'un au départ, lorsqu'ils présentent tous les nageurs, et en plus d'être Québécois, ben, tu sens que les gens sont derrière toi. Mais lorsque tu arrives à la fin, lorsque tu rentres dans la rade avec 500 mètres à faire, tu entends tous les spectateurs sur le bord, et même s'il nous reste plus d'énergie, ça donne un petit beau supplémentaire d'entendre toutes ces personnes-là qui crient jusqu'à ton arrivée, jusqu'à temps que tu touches la plaque. Est-ce que dans un deuxième temps, ben Samuel Matt mentionne évidemment qu'il a quand même trouvé l'expérience difficile? Lorsqu'on est sorti de la rivière, en fait, on a eu de la vague de face. On s'était fait avertir un petit peu, entre guillemets, c'est-à-dire que certains guides avaient regardé les vents et finalement, on a eu de la vague de 1 ou 2 pieds du moment où on est sorti de la rivière jusqu'à l'arrivée. Donc ça, c'est sûr que ça a pu compliquer un petit peu les choses. Mais pour le reste, ben, au niveau de température, c'est sûr qu'on a eu une superbe journée avec 35 degrés. Mais ça reste, tu sais, le premier a fait dans les environs de 7h15. Moi, j'ai terminé 8e en 7h45. C'est sûr que ça reste 7h45 de nage. Donc oui, j'ai trouvé ça difficile. J'ai adoré mon expérience, puis j'ai puisé dans toutes les réserves que j'avais vraiment pour me rendre au bout. OK. Terminé avec du soccer, il y avait des matchs hier dans les différentes ligues de soccer. D'abord, victoire du FC de Saint-Félicien 3-0 sur le Chinook de Chicoutimi. Gain également dans la U16 du Boreal d'Alma 4-2 sur le FC de Saint-Félicien. Et un autre match également, victoire de 2-0 du FC de Saint-Félicien contre le FC de Saint-Amboise. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé évidemment avec Jacques Doucet de la date limite dans le baseball, date limite des échanges. Marcus Strogman a été échangé. On en parle avec Jacques Doucet. On a également parlé avec Marc-André Leclerc qui analyse la traversée internationale du Lac-Saint-Jean et aussi Samuel Matt qui a participé à la traversée le samedi dernier. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.